Marietta, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Marietta, à Humbert de Saint-Amand. Pendant près de 20 ans, 18, le premier homme qu'on voyait en entrant sous la porte de Rome était un fantassin qui portait nos couleurs. Alors, nous avions là 10 000 ambassadeurs. Képi noir, guêtres blanches et pantalons garance, mieux que l'écusson d'or représentait la France. De tout temps, nos soldats ont eu cela d'heureux, qu'ils se trouvent partout, aussi bien que chez eux. Soit que, se façonnant suivant les latitudes, ils changent sans effort d'allure et d'habitude. Soit qu'ayant dans leur sac le vieil esprit gaulois, ils sachent implanter nos modes et nos lois. Il résulte souvent de ces races mêlées une langue et des mœurs sans grammaire épelée. Deux peuples riverains, vivant en bon accord, ont besoin de causer de l'un à l'autre bord. Il leur faut inventer comme intermédiaire ce qu'on peut appeler une langue frontière. Ainsi, les barbouilleurs ont un jour découvert que le jaune et le bleu font ensemble du vert. Guillou, sergent au 29e, était un provençal qui convenait lui-même qu'à Strasbourg, à Lille et partout, les femmes d'esprit et de goût avaient prouvé leur goût suprême en le favorisant d'une tendre amitié. Vous n'en croyez pas la moitié, le tiers, le quart, ni le cinquième, mais il faut toujours admirer les gens bien convaincus qu'on doit les adorer. Le soldat conquérant, cet amant infidèle, fut un jour envoyé dans la ville éternelle, avec son régiment s'entend, le colonel en tête et le tambour battant. Il visita certes plus d'un musée, vit des tableaux et des meilleurs, fit descendre et monter la garde au Colisée, mais son esprit était ailleurs. Le dimanche au Pincio, les jours de la semaine, dans les quartiers lointains, pleins de charme et d'ennui, il allait chercher la romaine, qui devait l'attacher en s'attachant à lui. Puis il trouvait sous la villa Borghese, sauf le dimanche, tous les jours, l'école des clairons, l'école des tambours, que suivait volontiers la nourrice albanaise. Ce n'est pas que Guillou se trouva fort à l'aise avec les femmes d'Albano, mais en se fréquentant, on finit par s'entendre. Rien n'apprend aussi bien que le désir d'apprendre. Elle disait bonjour, il disait buongiorno. Vous devinez que grâce à cet heureux échange, développé par de nombreux essais, les mots italiens, cousus aux mots français, finirent par former cet aimable mélange, où chacun se montrait élève et professeur, puis la langue d'amour est la première apprise. Guillou, donnant la sienne et recevant la leur, l'étrangère pour lui fut bientôt la payse. Au bout de quelques mois, notre gentil sergent se trouvait en état d'aller compter fleurettes à n'importe quelle soubrette, de cornetto, d'assise ou de lorette. Mais l'appétit vient en mangeant. Quand on connaît la plaine, on vise à la montagne. Cela se voit là-bas et se verrait ici. Tous les conquérants sont ainsi. Ils n'ont pas le Schleswig, qu'il leur faut l'Allemagne. Soubrette n'était plus un suffisant morceau pour le conquérant du Corso. Il ne rêvait plus que princesse ayant palais, ou patronne de case hébergeant les Anglais, ou modiste de cour fournissant les altesses. Il suivait le précepte ancien, qui ne demande rien, n'a rien, ajoutant à cela que le fat est le sage, et qu'à demander, plus on obtient davantage. Ce système, en effet, bientôt lui rapporta une merveilleuse conquête, une fille charmante, une nature honnête, la signora Marietta. Était-elle jolie? Et non, elle était belle. Port de reine, grand air, pieds forts et fortes mains. Un corsage opulent, du noir plein la prunelle, du feu plein le regard, un vrai type romain. Était-elle princesse ou patronne ou modiste? Ah, voilà le point délicat. Il est certain pays où sans vivre on existe. Ne payant pas d'impôts, l'homme n'a pas d'état. Où l'homme ne fait rien, que peut faire la femme? Moins que rien, à coup sûr, mais on mange si peu. L'été point de costume, et l'hiver point de feu. Puis on a quelques grandes dames qui vous protègent, et l'étranger, qui paye à beau prix d'or quelque travail léger. Et puis, par-dessus tout, on a ton assistance, mystérieuse providence. Quoi qu'il en soit, Marietta, plus au galant sergent qui parvint à lui plaire, au régiment ainsi la chose se conta. Guillou n'en faisait pas mystère. Quand on est provençal, le moyen de se taire, les deux amants allaient bras dessus, bras dessous, en plein jour comme bons époux. Le frère et les parents n'y mettaient pas d'entrave, et même, je crois, entre nous, qu'ils se sentaient flattés de l'amitié d'un brave. Ce manège dura longtemps, ne se virent jamais amoureux plus constants. Quoi, Liou fidèle? Oh, surprise! Sergent, tu devais donc succomber à ton tour. Et vous, ma pauvre fille? Un jour, il passait devant une église, celle des Rassoli, sur un sommet assise. Entriamo qui? Dit Marietta. Entrons, dit le sergent, montrant par un exemple qu'il possédait sa langue et répondait recta. Le couple lestement monta, les 130 degrés conduisant à ce temple, où Jupiter jadis se croyait immortel, auprès de son voisin, l'aigle du Capitole. Un prêtre était devant l'autel, qui leur adressa la parole. Mais, en si pur italien, que Guillou, cette fois, ne le comprit pas bien. Aux questions que fit le prêtre, Marietta répondit « Si ». « Si, » répondit Guillou, n'osant faire connaître qu'il ne saisissait pas l'italien d'ici. Puis, on s'agenouilla devant une chapelle. Le prêtre étendit les deux mains et bénit le couple fidèle. Ce sont, pensait Guillou, des usages romains. Marietta lui dit en sortant de l'église « Siamo maritati ». « Nous sommes mariés ?»« Hein ? Vous dites ? Vous le croyez ?»« Siamo maritati ». »« Non, c'est une méprise. »« Siamo maritati ». »« Vous, soit, mais non, pas moi. » »« Moi, français, moi, soldat, sergent au 29e. »« Tamo, tamo, bon, je vous aime. » »« Mais moi, pas marié. Guillou connaît de la loi. » Au reste, qu'à cela ne tienne. Qui n'est pas mécontent ne fait pas de procès. Pour cette fois, ce fut l'italienne qui ne comprit pas le français. On ne fit pas la noce, elle était déjà faite. Le dimanche et les jours de fête, comme tout bon romain, on montait au Pincio. D'autres fois, on faisait de longues promenades, ou bien, avec des camarades, on vidait une fiasque au Monte Testaccio. Puis, c'est le samedi, le jour de l'espérance. On a toujours de ça, de là, quelque terne attendue, quelque infaillible chance, qui viendra par la tombola. Tous ces plaisirs, permis à des bourses légères, charmaient Marietta bien mieux que les raouts des riches étrangères, et que les bals dispendieux. Elle avait des goûts populaires, bien qu'elle eût des parents, et même des aïeux. Une chose pourtant lui paraissait cruelle. Elle eut beau travailler, s'exercer, s'efforcer, elle ne réussit jamais à prononcer le nom de son mari, le sien, se disait-elle. Guillou, ce mot n'était pas fait pour une bouche italienne. Il fut impossible, en effet, de l'acclimater dans la sienne. Certes, plus d'un esprit incrédule pouvait pressentir dans ce fait une chance fatale. Cependant, le jour arrivait où nos soldats devaient quitter la capitale, du monde catholique et des États romains. Marietta, tout inquiète, surveillait le sergent à la bouche muette, le sondait du regard, lui prenait les deux mains. « Tu vas partir ?» lui disait-elle. « Songe qu'une Romaine a toujours son couteau, et que tu serais mort avant d'être infidèle. Quel jour ? Mais non, rien de nouveau. Quel jour ? La date est incertaine. D'ailleurs, qui sait ? Le capitaine dit que nous ne partirons pas. Je te dis que tu pars. Ne pleurons pas d'avance. Je te dis que tu pars, mais tu m'emmèneras. Avec toi, je veux voir la France. Toi seul es mon pays, ma famille et ma foi. Avec toi, je veux vivre et mourir avec toi. » Je ne sais pas comment Marietta put dire les mots français ou non qui sortaient de son cœur, mais ce que je sais bien, c'est que pas un moqueur n'aurait dans son discours trouvé sujet à rire. Un matin de décembre, entre nuit et soleil, clairons, tambours sonnants et musique de même, un régiment, le 29e, traversait la cité prise encore de sommeil. Il allait regagner la France par la ligne de Civita, la Méditerranée et bientôt la Provence. « Que fais-tu donc, Marietta ? Tu dormais et tu te réveilles. Un bruit sinistre arrive à tes oreilles. Poveretta, Poveretta, tu cours au Viminal, éperdu, alarmé. Tu heurtes à la gare fermée, criant « Sposo mio, siamo maritati !» Écoute le sifflet, regarde la fumée. Non, tu n'as pas d'époux, car le train est parti. Le soir, Guillou, couché sur le pont du navire, rêvait à des projets qu'on ne saurait traduire. Sans autrement s'en émouvoir, il avait vu s'enfuir les rives d'Italie. C'est un point convenu qu'en voyage on oublie les pays qu'on a vus pour celui qu'on va voir. Un soldat, un ami, lui frappant sur l'épaule. Et ta Marietta, qu'en as-tu fait, mon drôle ? J'y pensais justement, lui répondit Guillou. Ah, celle-là m'aimait, et moi j'en étais fou. Ce n'est pas par mon fait qu'elle s'est fourvoyée. Elle se croyait bien et dûment mariée. Est-ce que je pouvais ? L'État me le défend. D'ailleurs, j'épouserai ma petite cousine quand j'aurai fait mon temps. Mais ce qui me chagrine, vois-tu bien, ce n'est pas la mère, c'est l'enfant. Que devint Mariette ? Et qui pourrait le dire ? On ne se verra plus, on ne doit pas s'écrire. L'on vient et l'on s'en va, c'est bien simple, mon Dieu. Simple comme bonjour et simple comme adieu. Fin de Marietta, enregistrée par Margot.